Note 1. Caractère moral de ce livre. Il présente deux lacunes qu'on a déjà reprochées au livre de l'amour. Il ne traite point de l'adultère ni de la prostitution. J'ai cru pouvoir m'en remettre à la littérature du temps inépuisable là-dessus. J'ai donné la ligne droite et laisse à d'autres le plaisir d'étudier les courbes. Dans leurs livres, ils ont surabondamment parlé de la divagation. Jamais marqué la grande voie, simple, féconde, de l'initiation que l'amour, mieux inspiré, continuerait jusqu'à la mort. Il est arrivé justement à ces ingénieux romanciers ce qui arriva jadis aux casuistes, grands analysateurs aussi. Escobar et Busenbaum, qui eurent le succès de Balzac, chacun 50 éditions, dans leurs recherches subtiles, n'oublièrent rien de ce qui faisait le fond même de leur science. Ils ont perdu le mariage de vue et réglementé le libertinage. Le présent livre ne s'éloigne pas moins des romans sérieux de nos illustres utopistes, Saint-Simon, Fourier, etc. Ils ont invoqué la nature, mais l'ont prise très bas, dans la misère de leur temps. Et ils se confient ensuite à l'attraction naturelle, à la pente vers cette nature abaissée. Dans un âge d'admirable effort, de création héroïque, ils ont cru supprimer l'effort. Mais chez un être tel que l'homme, énergique, créateur, artiste, l'effort est dans la nature. Et il en est le meilleur. L'instinct moral du public sent cela, et voilà pourquoi ces grands penseurs ne peuvent faire école. L'art, le travail et l'effort dominent tout, et ce que nous appelons nature en nous, c'est le plus souvent notre création personnelle. Nous nous faisons jour par jour. Je le sentais cette année dans mes études anatomiques, et spécialement sur le cerveau. Il est manifestement l'œuvre, l'incarnation de notre activité. De là, la vive expression, et j'ose le dire, l'éloquence du cerveau chez les individus supérieurs. Je n'ai pas craint de l'appeler la plus triomphante fleur, la plus touchante beauté de la nature, attendrissante chez l'enfant, parfois sublime chez l'homme. Qu'on appelle cela réalisme, il ne m'en soucie. Il y a deux réalismes. L'un vulgarise, aplatit. L'autre, dans le réel, atteint l'idée qui en est l'essence et la vérité la plus haute, donc aussi sa vraie noblesse. Si cette poésie du vrai, la seule pure, fait gémir la pruderie, cela ne me touche guère. Quand, dans le livre de l'amour, nous avons brisé la sotte barrière qui séparait la littérature de la liberté des sciences, nous nous sommes peu informés de la vie de ces pudibonds, plus chastes que la nature, plus purs apparemment que Dieu. La femme veut une foi, l'attend de nous pour élever l'enfant. Nulle éducation sans croyance. Le moment est venu. Cet âge peut formuler sa foi. Rousseau n'a pu, rien n'était mûr. Le juge du vrai est la conscience. Mais il faut des contrôles, l'histoire, conscience du genre humain, et l'histoire naturelle, conscience instinctive de la nature. Or, aucune des deux n'existait. On les a construites en un siècle, 1760-1860. Quand les trois s'accordent, croyez. Note 2. Éducation, atelier et jardin d'enfants. Le vrai nom du Moyen-Âge est parole, imitation. Le vrai nom du temps présent est acte et création. Quelle est l'éducation propre à un âge créateur? Celle qui habitue à créer. Il ne suffit pas de faire appel à l'activité spontanée. Rousseau, Pestalozzi, Jacotto, Fourier, Coignet, Issora, etc. Il faut l'aider en lui trouvant son rail où elle doit glisser. C'est ce qu'a fait le génie de Froebel. Lorsqu'en janvier dernier, son aimable disciple, Madame de Marenholtz, m'expliqua sa doctrine, je vis au premier mot que c'était l'éducation du temps et la vraie. Rousseau fait un Robinson, un solitaire. Fourier veut profiter de l'instinct de singerie et fait l'enfant imitateur. Jacotot développe l'instinct parleur et discuteur. Froebel finit le bavardage, proscrit l'imitation. Son éducation n'est ni extérieure, ni imposée, mais tirée de l'enfant même. Ni arbitraire, l'enfant recommence l'histoire, l'activité créatrice du genre humain. Lire le charmant manuel de Madame de Marenholtz, chez Hachette, non pour le suivre servilement, mais pour s'en inspirer. Note 3. De la justice dans l'amour et des devoirs du mariage. Note 3. De la justice dans l'amour et des devoirs du mari. Dans un siècle qui semble froid, l'amour n'en a pas moins révélé 1000 aspects nouveaux de la passion. Jamais il ne jeta des voix plus puissantes, de tels soupirs vers l'infini. Elle vivait encore hier, elle écrivait ses vers brûlants, la muse de l'orage, du sanglot, de l'inextinguible amour, Madame Valmore. C'est le grand trait de notre temps. L'amour souffre, pleure, pour une profession profonde, absolue, qu'avant nous on ne désirait et ne comprenait même pas. À cela a répondu la science par cette adorable révélation. Tu veux l'unité, mais tu l'as. L'échange absolu de la vie, la transhumanation est le fait du mariage. Voilà l'amour satisfait? Pas encore. Ce mélange fatal du sang serait impie s'il ne s'y joint le libre mélange du cœur. Pour que celui-ci existe, il faut que par l'éducation de toute la vie, les amants se créent le fond d'idées commun, la langue qui leur donnera désir de communiquer sans cesse. Il faut que la langue muette de l'amour, sa communion, reprenne son caractère sacré, qui exclut tout plaisir égoïste, implique le concours de deux volontés. La casuistique, qui n'eut ni cœur ni âme, n'a point stipulé pour la femme. Mais aujourd'hui, c'est l'homme même, dans sa justice généreuse, qui doit plaider pour elle, s'il le faut contre lui. Elle a droit à 3 choses. Premièrement, nulle grossesse sans son consentement exprès. À elle seule de savoir si elle peut accepter cette chance de mort. Si elle est malade, épuisée, mal conformée, son mari doit l'épargner au temps, surtout où l'œuf vient au devant, pendant les règles et les 10 jours qui suivent. Le temps intermédiaire est-il stérile? Il doit l'être puisque l'œuf manque. Mais si la passion l'évoquait et le faisait reparaître, Monsieur Coste pense qu'il en est ainsi au moins pour les 3 jours qui précèdent les règles. C'est aussi l'opinion du mémoire couronné par l'Académie des sciences. Deuxièmement, on doit à la femme ce respect d'amour de n'en pas faire un instrument passif. Nul plaisir sinon partagé. Un médecin catholique de Lyon, professeur autorisé dans un livre populaire de cette année, émet cette opinion grave. Que le fléau qui décime les femmes tient surtout à ce que, même mariées, la plupart sont veuves. Solitaires dans le plaisir, l'égoïste impatience de l'homme ne veut que pour soi-même et ne veut qu'un moment. N'éveille l'émotion que pour la laisser avorter. Commencer et toujours en vain, c'est défier la maladie, irriter le corps, sécher l'âme. La femme subit cela, mais est triste, ironique, et son aigreur altère son sang. Sauf quelques paroles d'affaires, plus de société. Au fond, plus de mariage. Il n'est réel que dans une culture régulière de ce devoir de cœur, dans la communauté des émotions salutaires qui renouvellent la vie. Quel manque, et les époux s'éloignent, se déshabituent l'un de l'autre. Plaignons l'enfant car la famille se dissout. Est-ce à dire que l'homme soit heureux du court plaisir forcé qu'il prend sur la glace et le marbre? Il n'en emporte que regret. Matérialiste en acte, il a les exigences d'esprit d'un temps très avancé, qui veut en tout le fond du fond. Bref, il voudrait aller à l'âme. Troisièmement, un médecin excellent mari me disait « Dans votre livre, le meilleur, c'est ce qui a fait rire, les soins quasi maternels de l'amour, les servitudes volontaires qui suppriment la femme de chambre. Ce tiers ennuyeux, dangereux, est un mur entre les époux qui rend leur rapport fortuit. On est chez sa femme en visite, comme chez une maîtresse entretenue. L'avantage du mariage est d'avoir tout le temps, donc les rares moments favorables où une femme, comme elles sont toutes un peu lentes, peut être amenée à l'émotion réelle. Le cœur, la gratitude y font beaucoup. Elles s'émeuvent plus aisément pour celui qui a su prendre l'intendance des petits mystères et qui les soigne tendrement dans leur faiblesse de nature. Voulez-vous comprendre la femme ? Rappelez-vous qu'en histoire naturelle, la mue fait la faiblesse, la défaillance des êtres. Terrible dans les espèces inférieures, elle les livre sans défense à leurs ennemis. L'homme chez qui, heureusement, elle n'est pas violente, mue constamment de la peau, même de l'épiderme inférieur. Dans sa mue intestinale de chaque jour, il donne beaucoup de lui et se trouve faible. La femme perd bien davantage, ayant de plus la mue vaginale de chaque mois. Elle a ce qu'ont tous les êtres à leur mue, le besoin de se cacher, mais aussi de s'appuyer. C'est la Mélusine du conte, la belle fée, qui était souvent par en bas à une jolie couleuvre timide, se cachait pour muer. Heureux qui peut rassurer Mélusine, lui donner confiance et se faire sa nourrice. Et qui le supplierait? C'est une profanation d'exposer cette chère personne, craintive, en chose si innocente, aux malices d'une fille indiscrète qui en fera riser. Un tel excès d'intimité doit revenir à celui seul pour qui c'est bonheur et faveur. Cette faveur coûte d'abord, mais peu à peu elle trouve cela très doux et ne peut s'en passer. Nature aime habitude et cède fort des libertés absolues de l'enfance. Ce sont d'heureux instants, de grâce et de favorable audience, d'attendrissement facile, où le cher confident a l'ascendant d'un magnétisme nullement dangereux. L'humilité charmante, où l'on sent si bien qu'on est reine, n'a nulle défense et se rend tout à fait. Oubli profond, abandon sans réserve. L'amour, comme en un demi-rêve, y rencontre parfois la chance rare du bonheur au complet. La crise salutaire, si profonde chez elle, où la vie se donne toute, pour se renouveler bientôt et se trouver rajeunie, embellie, selon le vœu de la nature. Note 4. La femme dans la société. Quelle société ? De passé ou d'avenir ? Je n'ai pas parlé de la première, ni fait l'histoire des salons. Je la fais assez dans mon Louis XIV. On parle toujours du bien que les salons ont fait, mais point de celui qu'ils ont empêché, des esprits qu'ils ont étouffés. Madame, Henriette, eut 10 ans une heureuse influence. Madame de Montespan par sa méchanceté, Madame de Maintenon par sa médiocrité négative. Stérilisèrent pendant 40 ans. Pour la société d'avenir, nous ne pouvons qu'entrevoir, deviner. J'ai voulu seulement, au troisième livre, marquer le rôle que la veuve, la femme isolée, y aura, celui d'émanciper par la bonté toutes les âmes captives. Même dans une société libre, il y aura toujours des captifs, ceux de la misère, ceux de l'âge, ceux des préjugés, des passions. Une femme de grand cœur, dans la cité la plus parfaite, serait le bon génie d'arbitraire maternel qui apparaîtrait partout où la loi n'atteint pas le complément de la liberté. Une liberté supérieure et l'intervention de Dieu même. Fin du livre La femme de Jules Michelet.